Ok, ma musique à l'instant et mon compte Insta ne sont pas d'accord. On partage des instants, mais je suis pas ta star, pas non plus ta pote. Ouais, on consomme des stocks de méga octets comme si c'était de la coque. Je m'en bats les steaks d'être sous-côté, mec, je suis né sur la côte. Okay. Ils aimeraient qu'on rajoute du volume à nos postérieurs. J'aimerais qu'on arrête d'afficher des posters d'eux. Ils aimeraient qu'on ferme les yeux sur l'extérieur, mais c'est mort, hashtag noir et post carré bleu. Ils aimeraient se donner du crédit en jouant les fausses erreurs, mais on craint plus la colère du supérieur que. Malgré tout ce qu'on m'a prédit, j'ai fait de grosses erreurs et c'était nimple, hashtag avant j'ai pote carré bulle. T'aimerais que je te crois mais t'es trop beau gosse sérieux. Pour tomber dans ton panneau fallait que t'accostes à l'aveugle. On a passé l'âge de faire des figures périlleuses. C'était caché de vrai, fais gaffe, hashtag mouille-toi la nuque. Qu'on faut pas être lâché, rester mystérieux. Les secrets qui lui sont dus sont dévoilés qu'à la lune. La beauté qui t'intéresse est à l'intérieur, mais c'est l'odeur de la fleur qui t'attire avant le bulle. Moi des chapeaux ma sœur pour des couplets graves nuls. Si j'écoutais les commentaires j'y serais jamais parvenu. Si seulement je passais pas des heures à ajouter ma part de vue à des tutos qui perdent du temps à me dire que je sais comment faire. Ça commence par un cœur, s'enchaîne par un nude, suivi d'une humiliation sur les bancs du secondaire. T'as voulu finir vainqueur et t'es parti sur un nul, suivi d'une accusation d'homicide involontaire. Ma musique à l'instinct et mon compte Insta ne sont pas d'accord. Partage des instants, mais je suis pas ta star, pas non plus ta pote. On consomme des stocks de méga octets, comme si c'était de la coque. On s'en bat les steaks d'être sous côté, mais qu'on est sur la côte. Ma musique à l'instinct et mon compte Insta ne sont pas d'accord. On partage des instants, non, je suis pas ta star, pas non plus ta pote. On consomme des stocks de méga octets, comme si c'était de la coque. On s'en bat les steaks d'être sous côté, mais qu'on est sur la côte. Je me sens esclave d'un système qui veut qu'on s'enivre et zapper qu'on a consenti à son bonheur. Quand plus on pleure et mieux il s'esclave. Je t'incite pas à m'accompagner dans mes dérives. Y'a de la souffrance, c'est pas naïf de penser que c'est de l'art. L'insistance qui nous contamine ou les tendances. Je voulais la bonne direction quand j'ai trouvé le start. Et comme j'en ai marre, qu'on prenne pour une gamine, je ne voulais pas d'assistance et zizou, ma carotte apaise bar. Extatique quand on est face à ça, le type si je baisse la garde, c'est pour mieux leur mettre un high qui guetta. Extatique, on n'attend pas les statistiques Tesla. Gars pour voir qu'on perd face à la machine et qu'est-ce ça. À me regarder comme si je débarquais tout droit de l'espace, où je faisais du poison ou de la magie, c'est du rap. Mais dans mon cœur, il résonne comme un espoir. De thèmes qui naissent, devenus peine qu'on assassine, et tout le reste, c'est du rap. Et comme ça qu'on s'assagit, donc je les mets dans mes mesures pour qu'à chaque couplet, ils prennent 16 claques. T'entends? Ouais. Elles font tout pour avoir du boulot, on galère pour avoir les fesses plates. Afro-trap pour reggae, je peux même kicker sur du classique. Te faire passer de très gay à triste et nostalgique. Avant de vendre un CD, on est venu faire de la zik. Et comme on fait que passer, autant faire comme si c'était facile. Afro-trap pour reggae, je peux même kicker sur du classique. Te faire passer de très gay à triste et nostalgique. Avant de vendre un CD, on est venu faire de la zik. Et comme on fait que passer, autant faire simple, basique. Ma musique à l'instinct et mon compte Insta ne sont pas d'accord. On partage des instants, mais je suis pas ta star, pas non plus ta pote. On consomme des stocks de méga octets comme si c'était de la coque. On s'en bat les steaks d'être sous-côté, mais qu'on est sur la côte.